Sans commentaire, c'est du lourd, ne me demandez pas comment faire. On baisse pas les bras, mais passez-nous leurs femmes qu'on s'en sert. J'rappe sale, j'pose complètement mûr. Faut ta musique de merde, merde, j'laisse les pertes enfoncer dans le mur. Écoute, y'a que des lâches, des traites, des foires, des pendus. Entends-tu? Soit tu l'as dans le sang, soit tu l'as dans. Oh. Changer la vie, on fait du ring, on fait.